Chapitre 11. L'indication de la destinée. Ce fut vers la fin d'une après-midi de mai, comme il avait exceptionnellement fait toute la journée, une chaleur absolument anormale pour la saison, et qu'un orage menaçait, envahissant peu à peu le ciel, que Denis le Marek rencontra pour la première fois Faik Gualen seul. Parti de Camaret depuis le matin, sous prétexte de chasse aux oiseaux de mer sur la plage de Dinan avec son camarade Hervé Morvan, il n'avait pu s'empêcher au bout de quelques heures d'abandonner celui-ci dans la seconde moitié de la journée pour se lancer au hasard, tout seul à l'aventure, sur le grand plateau qui se termine au Cap de la Chèvre. Depuis l'aveu fait à son ami, il ne se gênait plus avec lui pour laisser voir la passion qui le dévorait chaque jour un peu plus, lui enlevant tout repos, tout calme. Ce jour-là, surtout, à bout de fièvre amoureuse, il avait juré de ne pas rentrer à Camaret avant d'avoir trouvé Geneviève pour lui dire son amour, dût-il pour cela aller la chercher, jusque dans la chaumière du Reboutou, dans les bras de son père. D'abord, il avait longtemps erré inutilement, comme perdu dans l'immensité de la lande, fuyant les villages, la cervelle en feu, écrasé par la chaleur du jour, espérant toujours apercevoir la jeune fille, désirant la voir et, à d'autres moments, tremblant de la rencontrer tout à coup, de ne pas recevoir d'elle la réponse qu'il en attendait. Était-il aimé comme il aimait ? Maintenant que le dénouement était proche, il lui semblait que c'était de Geneviève que les difficultés allaient venir, que c'était elle qui ne voudrait pas de lui et, à l'évocation d'une pareille hypothèse, la sueur lui jaillissait du visage. Puis, il se rappelait surtout le dernier regard échangé, lorsque tante Rosalie l'emmenait pour la reconduire à son père et que lui-même franchissait le seuil du presbytère, et il se reprenait à croire, à espérer. Pourquoi n'en serait-il pas d'elle comme de lui qui, du jour où il l'avait vue, n'avait plus eu de pensée, de battement de cœur que pour elle? Certainement, ce n'était pas seulement par reconnaissance, par manière de remerciement qu'elle avait laissé tomber sur lui cet ardent rayon de ses yeux. La flamme lui en était entrée jusqu'au fond du cœur pour n'en plus jamais sortir, pour le livrer à elle tout entier, corps et âme. Mais elle n'avait pu le captiver sans se donner aussi elle-même, et ce qu'il lui fallait, à présent, c'était la certitude, c'était l'ivresse d'être aimé lui comme il l'aimait elle. Jusqu'alors, il s'était contenté de venir à Crozon, à Morgat, d'errer aux alentours de la baie de Dinan, de pousser même jusqu'au château de Dinan. Mais voilà que, plus hardi, il pénétrait dans cette lande au bout de laquelle habitait Nédélec Gualen, cette lande où plus d'un, même parmi les plus braves, les plus insouciants, n'eût point osé entrer dès que la nuit était tombée, cette lande dont on faisait en quelque sorte, par extension, le domaine spécial du Reboutou. Bien qu'il fît encore jour quand il s'aventura au-delà des limites qui, pour beaucoup, formaient le cercle magique dont on enveloppait le sorcier, il eut une vague et indécise sensation, venue peut-être de ce grand ciel plombé, abaissant sur le pays un menaçant couvercle de nuées livides et noires tour à tour, bousculée lentement, qui tourbillonnait sans hâte sur elle-même, en une concentration de leurs forces. Mais ces voyages lui avaient montré tant de superstition chez les autres qu'il ne lui en était plus resté pour lui-même et qu'il avait, en grande partie, oublié celle de son enfance. Son malaise provenait certainement d'autre chose. Ce n'était pas la crainte du sorcier qui le hantait, c'était plutôt ce trouble impossible à repousser, difficile à dominer, qui fait vaciller l'âme aussi bien que le corps aux instants décisifs de la vie. Il sentit qu'à partir de ce moment, le sort en était jeté. Il ne rentrerait à Camaret que le plus heureux ou le plus désespéré des hommes. Déjà, dans son esprit, avec cette promptitude de décision que donne l'habitude de la vie sur mer, de l'existence exposée aux continuels et subits dangers, à la mort toujours devant vous, il s'affirma que si Geneviève Gualen le repoussait, si elle ne l'aimait pas, il repartirait immédiatement pour l'Amérique et ne reviendrait plus jamais en Bretagne. Sans hésiter, en sa folie d'amour, il sacrifiait son oncle, ses amis, son pays, oubliant toutes ses affections de sang, toutes ses tendresses d'enfance. Faïk seul existait à présent pour lui. À mesure qu'il avance, laissant derrière lui les endroits habités, semblant marcher vers les dernières limites de la terre, les premières ombres commencent à envahir la lande. Elles tissent sur tous les objets un voile léger qui s'accroche aux plantes, aux herbes, d'abord ténu, transparent, adoucissant les contours rudes, revêtant d'un délicat velouté les aiguilles de porphyre qui jaillissent çà et là d'entre les mousses et arrêtent le pied trébuchant. Au-dessus de sa tête, avec un bruit sifflant, passe un vol triangulaire de cormorans, revenant de la cormorandière, l'écueil du goulet de Brest ou de l'Andévennec dans la rivière de l'Anderneau et regagnant l'état de poids, leur gîte de nuit. Ils s'étendent, jetant dans l'espace comme un vol de croix noires, avec leurs longs coups tendus, leurs corps étroits et leurs courtes ailes. Une minute intéressé, Denis les examine, remarque qu'ils sont plus bas que d'habitude, n'osant se hasarder ce soir-là dans les hautes couches de l'air. Il se dit « signe de mauvais temps !» Puis, imperturbable, sans effroi du diagnostic observé, il continue. Il va, s'écartant des derniers villages, se rapprochant des côtes, impatient d'êtres humains dans cette solitude dont l'approche de la nuit augmente, exagère l'étendue. Et brusquement, un dernier pli de terrain dépassé, une dernière éminence gravie, entre la pointe de Dinan et le cap de la Chèvre, il a un cri, surprise et ivresse à la fois, en voyant une silhouette émerger du sol avec une brusque rapidité d'apparition. Faïk, ma Faïk, c'est elle. Avant que ses yeux soient encore sûrs, son cœur l'a deviné. Tout son être a senti que c'était elle. Une seconde, il lui a fallu s'arrêter, comprimant à deux mains sa poitrine, où tout le sang de ses artères s'était porté. Il ne peut ni parler, ni poursuivre sa route. Il la contemple, éperdue de joie. Elle ne l'a pas encore aperçue. Toute seule, au bord le plus extrême de la falaise, elle regarde du côté de l'Atlantique, immobile, ses cheveux arrachés de sa coiffe, envolés autour d'elle, flottant sur ses épaules en blonde auréole de lumière, et paraît ainsi quelque surnaturelle figure de la lande, quelqu'une de ces fées que la croyance fait errer dans ces lieux déserts. En la voyant, le Marek a un instant cette pensée. Une foule de souvenirs d'enfance lui remonte brusquement au cerveau, ramenant les contes oubliés, les légendes autrefois sues, et entendues, les légendes acceptées. Il murmure de nouveau, pour s'arracher au frisson des superstitions dont l'aile de ténèbres effleure son front, c'est Faïk. Mais il se souvient en même temps qu'elle est la fille du Rebutu, et il ne lui déplaît pas de l'aimer, par cela même qu'elle n'est pas une fille ordinaire, qu'une sorte d'inconnu pèse sur elle, l'enveloppe. Ce n'est pas seulement avec son cœur d'homme qu'il aime, c'est aussi avec son âme de breton. Son âme est prise de tout ce qui est mystère, énigme, surnaturel. Il l'aime comme il aime la brume natale. Elle est pour lui la Bretagne, la mélancolie exquise du pays d'origine. Voilà que, s'approchant d'elle à l'improviste, tandis que la jeune fille, insensible à ce qui se passe autour d'elle, semble chercher là-bas, au loin, dans l'infini de l'océan, quelque chose que seuls ses yeux lumineux peuvent voir, il l'entoure aux épaules de ses mains tendues. Souriante, sans effroi, paraissant encore sous l'ivresse du rêve continué, elle retourne vers lui la tête. Il balbutie, ses yeux dans les claires prunelles profondes. « C'est moi, c'est moi !» Comme elle le regarde toujours, il s'écrie « Faïk, depuis l'heure où vous m'êtes apparu, en pleine mer, sortant du milieu de la brume comme une fleur née de cette brume, j'ai senti que je vous appartenais pour la vie, que j'étais pour toujours à vous. » Elle murmure simplement, comme si elle retrouvait près d'elle la vision longuement poursuivie au large, « Denis, Denis le Marek !» Et ce nom, sur ses lèvres, prend une telle douceur de caresse, une telle intonation d'aveu, que le jeune homme éperdu, resserrant son étreinte, amène sur son cœur la jeune fille, poursuit, enivrée. Oui, vous avez été l'âme même de ma patrie, la douce et merveilleuse âme de mon pays, venant à moi à travers le brouillard, avant que j'aie pu distinguer un seul rocher de nos côtes, un seul escarpement de nos falaises, et aussitôt je vous ai aimé. « Oh, aimé !» Il répéta de nouveau sous un charme. « Vous me sembliez la fleur des brumes de notre chère Bretagne. » Elle baissait le front. « Oh, Denis, Denis, est-il bien vrai? Est-ce que cela se peut ?» Sa voix s'attendrit encore. « Je vous ai aimé. Je vous aime plus que tout au monde, plus que les êtres qui m'étaient le plus cher, plus que tous les miens, plus que moi. » Dont la vie ne dépend plus que de vous, Faïk, de vous seul, qui ferez désormais de moi tout ce que vous voudrez. » Il n'avait jamais été bien éloquent, n'en ayant peut-être pas eu l'occasion, en son existence de jour sans lendemain, en sa vie aventureuse d'oiseau de passage, ayant toujours les ailes demi-déployées pour repartir, lors même qu'il se posait à terre, avec lui, plus souvent des actes que des paroles, des faits et peu de phrases. Mais voilà que, brusquement, toute une éloquence ignorée s'épanouissait sur ses lèvres, faisant jaillir de la source neuve de son cœur les tendresses d'expression, les mignardises de mots, une floraison splendide de printemps qui était l'éternel hymne de l'amour. Ainsi qu'en une extase, Geneviève Gualen se taisait, n'osant l'interrompre, courbant la tête sous cette douce pluie de tendresse dont elle n'avait jusqu'alors jamais eu l'idée, et écoutant avec ravissement le sang murmurer plus chaud, plus bruyant dans ses artères, comme si tout à coup une double vie fût entrée en elle. De tout le passé souffert, la solitude avec son père, les mauvaises paroles des gens, pressées de l'envelopper dans la même réprobation craintive que le reboutou, sans vouloir parfois se souvenir de tout le bien fait par elle et par lui, les menaces jetées au passage, rien ne restait plus en ce moment. Et pour la première fois, elle eut la pleine et entière conscience de ce que pouvait être cette chose inconnue, dont le nom n'avait jamais eu de signification pour elle, le bonheur. Dans une sorte d'inconscience, cédant à une force contre laquelle elle n'essayait même pas de se défendre, elle se laissa doucement entraîner par le bras vigoureux qui cerclait sa taille et soutenait autant qu'il guidait sa marche. Le long de la falaise à pic, ils allaient, seuls absolument, ne songeant plus qu'à eux, ayant tout oublié de ce qui n'était pas eux, attentifs aux seuls mots tombés de leurs lèvres et qui s'envolaient en musique énivrante autour d'eux. Geneviève, à son tour, la première timidité disparue, parlait, rappelant le jour sinistre de leur rencontre. Et c'était une action de grâce qui s'élevait d'elle vers celui qui l'avait sauvée. Oui, je n'attendais plus que la mort. Oh, voyez-vous, je la sentais sur moi, sous moi, autour de moi, montant de partout pour me prendre et m'emporter. Déjà, toute cette brume me paraissait le grand linceul qui s'enroulait, multipliant ses plis, resserrant son tissu funèbre sur mon corps, pour que je ne puisse plus me défendre, plus échapper. Que pouvais-je toute seule sur cette barque sans direction, sans point de repère, dans la nuit de la mer? Alors tout à coup, c'est votre navire qui a été sur moi. Une grosse masse sombre, marchant avec un grand bruit d'eau bousculée et de voiles claquant dans le vent. J'ai pensé que c'était la fin. J'ai cru entendre le vol épouvantable de la mort passant sur ma tête. Vite, une suprême prière, toute mon âme à Dieu. Et voilà que c'était le salut, que ma pauvre petite barque avait été vue, que l'on me hissait à bord, encore tout étourdie, à demi morte de terreur, et que, au moment où je rouvrais les yeux, ce sont vos yeux que j'ai les premiers rencontrés, qui sont entrés dans les miens. Une poésie sauvage et naïve, une émanation de la lande montait de la jeune fille, naturel et mélancolique arôme de son âme armoricaine, âme sœur de celle des anciens bardes, de celle des rêveurs et poétiques habitants des côtes bretonnes. Elle se tut, n'osant plus continuer, le cœur battant et soulevant son mince corsage d'étoffe grossière, une rougeur aux tempes et aux joues, tandis que Denis plongeait ses clairs regards, ses yeux d'Atlantique, dans le profond océan, dans les insondables eaux transparentes des plus claires prunelles de Geneviève, et déclarait « je vous aime, Faïk, et je vous veux pour femme. Voulez-vous de moi pour votre mari ?» Elle essaya faiblement de se dégager plaintive. « Moi ? Moi, la fille du Reboutou, votre femme ?» Le Marek songea, violent, en une subite révolte contre les obstacles. « Quand elle serait fille d'un véritable sorcier, d'un réprouvé ?» Mais les mots ne sortirent pas de ses lèvres. Il eut la terreur du blasphème, une crainte superstitieuse de porter malheur à ses amours, et s'exclama. On dira la femme de Denis le Marek, et personne n'osera dire autre chose. Puis, plus pressant, « Si vous m'aimez, qu'importe, moi je vous aime, et je ne connais rien de plus. » Il ne pouvait se lasser de la regarder, de l'admirer, et l'avait fait asseoir sur un fragment de rocher au bord de la falaise à pic pour la mieux contempler, pour rassasier ses regards de son étrange et séduisante beauté. Avec ses cheveux d'un blond brillant, ses yeux sans fond glauques et lumineux, Geneviève n'est pas une fille de la terre, de cette lande sombre. Elle semble plutôt une fille de la mer, et c'est cela qui attire, qui appelle ce fils de la mer, ce marin aux prunelles bleues, couleur du grand large, aux cheveux et à la barbe d'un châtain roux. Derrière eux, l'immensité déserte et déjà enténébrée du plateau rocailleux, semé de mousses rudes. Devant eux, l'océan. Le vent passe, balayant le parfum délicat des fleurs sauvages, esprit invisible de la lande, en même temps que l'âcre odeur de sel monte plus forte, plus pénétrante, des lames profondes qui roulent depuis l'horizon jusqu'au noir rocher, cerclé de frémissante écume, entassé en un farouche hérissement à la base des falaises. Ils ont tout oublié pour n'être plus qu'à eux. Des paroles graves, des paroles d'avenir, des paroles d'engagement éternel tremblent, palpitantes de vie fiévreuse, haletantes d'amour, sur leurs bouches qui n'osent s'unir dans le suprême et définitif baiser. Le soleil vient de disparaître derrière un plus large banc de nuages épais accumulés dans l'ouest. À l'horizon, la mer est noire, d'un noir bleu d'ardoise. Le phare des pierres noires et les écueils qui l'entourent se détachent sombres, menaçants, sous un ciel d'ocre jaune. Au-dessus, une bande d'un vert foncé, puis des raies de brillant minium, des lignes droites sanglantes, coupées de floconnements d'encre, un vrai ciel et une vraie mer de naufrage. Plus loin que l'état de poids, détachés en îlots géants, que la pointe de Penhir, que le Guest, le phare de Saint-Mathieu fin de terre se silhouette, avec les ruines de l'antique abbaye, sur des nuées basses, fuligineuses, puis rougeoyantes, d'un ton tragique, comme si elles abritaient le guet-apens, le crime. Derrière ces nuées déjà perdues dans de demi-ténèbres, Béniguet, l'île plate, sablonneuse, Molène, où brûle continuellement l'état de Varec. Ouessant, le front vert, le grand effroi, l'abîme sans fond, la tempête, la mort. Le vent qui augmente souffle d'au-delà des vagues et jette l'immense océan à l'assaut des rochers noirs, des rochers de dur porphyre, taillés en arêtes, en lames, sans repos, sans lassitude, avec un râle terrible et grossissant. L'écume blanchie à perte de vue, neige de linceul, neige de sépulcre, et de la base du cap de la chèvre, de ce gouffre de 100 mètres s'élève un bruit de plus en plus formidable, le bruit de l'infini. Une grandeur sinistre, d'une épouvante pleine de charme, sort de cet Atlantique que la nuit va prendre, qu'elle saisit déjà, qu'elle drape de ses voiles de deuil et qui devient plus troublante, plus inquiétante, plus mystérieuse, étant la force et étant l'énigme. Un sourd grondement retentit au-dessus des deux jeunes gens. Denis releva la tête. L'orage arrivait en plein sur eux. Il regarda autour de lui. Pas un abri, pas un creux de roche, déjà partout les ténèbres. De larges gouttes d'eau fouettant son visage, il se redressa à demi, murmura « Au diable !» D'un nouveau regard circulaire, il tenta d'explorer la lande. En même temps, sous l'influence de cette mer sombre, blanchissante d'écume, de ce ciel menaçant, de cette solitude impressionnante, malgré lui, il eut cette pensée, plus rapide que toute volonté, venant l'assaillir en plein cerveau, à l'improviste, résultante implacable du pays où il se trouvait. Le Rebutu, la fille du Rebutu. Involontairement, l'idée du sorcier entrait en lui, violant sa volonté, ramenée par cette grande convulsion de la nature. Il n'eut besoin que de reposer ses yeux sur la jeune fille pour protester, honteux. « Suis-je fou ?» Geneviève, à demi agenouillée, les mains jointes murmuraient une prière, subissant elle aussi la commotion de la tempête. Et ces mots arrivèrent à le Marek. « Sainte Vierge, protégez-nous !» Il se rapprocha d'elle et, lui prenant les mains, questionna. « Faïk, mon aimé Faïk, connaissez-vous quelque refuge près d'ici, quelque abri ?» Déjà la pluie s'abattait, furieuse, traversant leurs vêtements, pendant que le tonnerre roulait plus fort et que les éclairs illuminant par instants les objets faisaient paraître l'obscurité plus épaisse. Ils fuyaient droit devant eux, tournant le dos à l'océan, coupant au hasard à travers la lande, sans pouvoir parvenir à trouver la route qui va de Morgat au sémaphore. Ils ne s'orientaient plus, ignorant si Rostudel était en face ou sur la droite, ne rencontrant ni un être humain, ni une maison. Malgré son habitude de la continuelle vie en plein air, exposée à toutes les intempéries, Geneviève se sentait elle-même troublée, impressionnée, comme jetée hors de sa nature. Un frisson courait sur sa peau, augmentant peu à peu d'intensité à mesure que la bourrasque s'aggravait et que, de la mer, de l'horizon infini, montait une lamentation plus furieuse. Elle eut une exclamation involontaire. « mon Dieu, j'ai peur !» D'instinct, elle se jeta vers la poitrine puissante, vers les bras robustes du jeune homme. Celui-ci, heureux de ce geste, de cet appel à sa force, à sa protection, l'enveloppa plus étroitement, murmurant d'une voix plus basse, adoucie. « Ne craignez rien, Faïk. Je saurai vous protéger, vous défendre aujourd'hui. Comme je veux vous défendre, vous protégez toujours dans la vie. » Et là, sous le roulement prolongé du tonnerre, sous la lueur bleuâtre des éclairs, tandis que de la lande et de la mer venaient mille bruits redoutables, que le vent soufflait en tempête, balayant plus pressé les rafales de pluie, que les grandes ténèbres conquéraient définitivement la terre et l'océan, Denis le Marek posa ses lèvres sur le front de sa compagne tremblante, réfugiée en lui, affirmant « Faïk, je vous aime. Faïk, je t'aime. Que ce baiser soit le gage de nos fiançailles devant Dieu. » Tressaillante, toute défaillante de joie, elle trouva cependant la force de dire, en montrant une faible lueur qu'elle venait d'apercevoir, un peu à droite, et qui brillait comme un feu follet au milieu de la lande. « Mon père, là !» Denis regarda dans la direction qu'elle lui indiquait. Sous la lumière aveuglante d'un large éclair qui incendia tout à coup les ombres opaques, faisant ressortir vivement les moindres aspérités du sol, il distingua, à une assez courte distance, le dolmen et la maisonnette basse, isolés du reboutou. « C'est sa maison, votre maison ?» La voix de Denis avait eu une surprise, la saccade d'une émotion. Mais elle termina, plus ferme. « Ta demeure, ma Faïque ?»« Oui, » fit-elle d'une voix étouffée. Elle semblait à bout de force. Il la saisit énergiquement par la taille et l'entraînant d'un pas rapide. « C'est là qu'il nous faut aller, Faïque. »« Chez mon père, vous voulez ?» Le jeune homme sourit plein de confiance. « Je veux lui demander moi-même votre main. Je veux que ce jour soit pour moi, pour nous, le jour du bonheur, le jour où le plus cher de mes vœux sera enfin réalisé. C'est le ciel lui-même qui nous a guidés, qui nous conduit. Allons !» Cette tourmente qui les enveloppait, ces inquiétantes ténèbres, les dangers de nature toute particulière qui pesaient peut-être en ce moment sur lui, tout cela, au lieu de le terrifier, fouettait et encourageait son audace. En toute autre circonstance, par un beau temps sous le soleil, il eût certainement hésité, reculé devant cette entrevue inattendue avec le père de Geneviève. Au milieu de ce désordre des éléments, il se sentait une force et une témérité de héros. Très frappé de voir que ces bouleversements, brumes ou tempêtes, coïncidaient curieusement avec ses rencontres avec la fille du reboutou, son âme de breton, loin de s'en effrayer, y trouvait au contraire un attrait, l'âcre saveur des périls auxquels il était si habitué qu'il avait tant de fois bravé. En même temps, il croyait y découvrir une indication mystérieuse de sa destinée. Tout cela était voulu par une force à laquelle il devait céder, s'abandonner sans résistance. Après une marche difficile et trébuchante, durant laquelle, à plusieurs reprises, il leur fallut s'arrêter et attendre la lueur d'un nouvel éclair pour pouvoir poursuivre leur route, ne pas s'égarer, ils atteignirent enfin le mur de pierre sèche qui bordait la lande semée d'ajoncs, au bout de laquelle se trouvait la maison de Nédélec Gualen. Arrivée là, ce fut la jeune fille qui hésita, balbutiant « Mon père ignore !» Elle regardait autour d'elle, comme honteuse, souffrant pour la première fois de son humble condition, de la profession de son père, de ce mauvais renom qu'avait l'endroit où elle habitait. Au fond de son cœur, prise d'une souffrance d'âme qu'elle n'avait jusqu'alors jamais connue et qui lui était apportée par cette révélation de l'amour, elle eût voulu que tout cela fût subitement changé. Mais, impatient, ayant hâte de mettre sa compagne à l'abri du déluge qui s'abattait sur eux avec une violence nouvelle, Denis le Marec escalada le mur, aida Geneviève à le franchir et, traversant rapidement les ajoncs épineux, alla droit à la maisonnette dont il poussa la porte, simplement fermée au loquet. Au bruit, sans même se retourner, Gualen, en ce moment courbé devant le foyer sur lequel bouillait dans une casserole un liquide qu'il semblait surveiller attentivement, dit seulement « C'est toi, Faïque, tu rentres bien tard à cette heure. » Immobile sur le seuil, le Marec examinait avec une certaine curiosité l'intérieur de la chaumière, s'attendant à y trouver des objets étranges, des ustensiles bizarres, et tout surpris de n'y voir que les choses qui existaient dans toute habitation bretonne. Seul, le vieillard, dont la silhouette se découpait sur le fond rouge et mouvant de la cheminée, éclairé par un dansant feu de brousse, avait une physionomie particulière, très attirante. Denis, qui ne l'avait jamais vu, essayait de deviner ce que pouvaient être ses traits quand celui-ci, étonné de n'avoir pas reçu de réponse, se retourna et, voyant une figure inconnue, se redressa avec vivacité, tournant le dos au foyer. « Qui êtes-vous et que me voulez-vous » questionna-t-il. Ses yeux fouillaient le visage du jeune homme, frappé en plein par la flamme, tandis que lui-même se trouvait à présent complètement dans l'ombre et qu'on pouvait seulement deviner l'acuité de ses prunelles. Geneviève s'avança alors, se plaça devant son compagnon et, le saisissant par la main, annonça « Denis le Marec, mon père !» Quelques secondes, le vieillard examina le nouveau venu, semblant réfléchir profondément, chercher dans sa mémoire, reportant ses regards de Faïk à Denis, comme si une lente association d'idées se fût faite dans son esprit, et, posément, il articula « Le Marec, j'ai connu, il me semble, autrefois. Oui, oui, je dis bien. » Sa voix gronda plus sourde tout à coup. Le neveu du curé de Camaret, de l'abbé Kerbiriou, hein? Je ne me trompe pas. » Le jeune homme inclina la tête, un peu inquiet. L'autre grommela, le haut du corps reculé. « L'ennemi !»